tu élèves ta voix, tu continues à prier sans instrument. Sans la chorale, continue à prier. C'est un jour de prière. Élève ta voix, continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Le Seigneur a besoin de toi ce soir. Il a besoin de toi ce soir. Il continue à prier, bien-aimé. Continue à prier. Endelea na malombi. Alleluia. Oh yes. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Oh yes. Oh merci Jésus. Na bariki upendo wa Dieu. Oh Dieu, tu es vrai. Dieu, tu es vrai. Dieu, tu es vrai. Dieu, tu es vrai. Dieu, tu es vrai. Dieu, tu es vrai. Mungu aina arishi. Aina arishi na kwa kushikia. Bile banyanyambia pajina lako aina arishi. Ni bia kweri. Ni bia kweri. Ni bia kweri. O bien me monte en prière. Dieu est vrai. Oh, il aime t'entendre, il veut t'entendre. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es vrai, Jésus. Tu n'as pas voulu que ma vie reste au niveau des histoires. Tu veux que je vive, que je prêche ce que je vis, que j'expérimente le Dieu puissant. Oh, tu es vrai, Jésus. Monte encore en prière. Mungu wa bia kweri. Oh, le Dieu est vrai. Alléluia. Avant d'avoir expliqué. Merci Jésus. Vous t'expérimentez, Mungu wa. Merci Papa. Alléluia. Oui, Mungu wa bia kweri. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, alléluia. Le temps est arrivé pour ma vie. Le temps est arrivé pour l'église. Le temps est arrivé pour chacun de nous. D'expérimenter quand il s'élève, il dit Dieu est vrai. Dis mon frère, Dieu est vrai. Il est vrai, il est vrai. Oh merci Jésus. Merci Seigneur. Je bénis ton nom ce soir. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur pendant quelques moments? Vendredi, c'est un jour de prière. Et j'aimerais que nous apprenions à passer beaucoup de temps dans la prière. Mungu amibariki déjà. Que Dieu vous bénisse d'avance. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans Juges chapitre 6. Chaque fois que je veux avancer, le Seigneur me retarde, disons, mais il demande de refaire sur place. Chapitre 6, versets 13 à 14. Sur 13 à 14. La technique soit avec nous. L'écran est très instable là. Ok. Gédéon lui dit à mon Seigneur, à Bwana Wangu, Je lis en français pour gagner le temps parce que je me connais le temps de prier. Et puis après, vous allez, nous allons avancer ensemble. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Vous pouvez souligner dans votre Bible, ces choses nous sont arrivées. Ces choses nous sont arrivées. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Vous pouvez souligner, il nous livre entre les mains de Madian. Donc j'ai dit, vous pouvez souligner, ces choses nous sont arrivées. Et vous pouvez souligner, il nous livre entre les mains de Madian. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Vous pouvez souligner la main de Madian. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. L'histoire dans la vie s'écrit là où les problèmes commencent. Je reprends. L'histoire dans la vie s'écrit quand il y a des problèmes et des difficultés. Un homme sans problème. Une vie sans problème est une vie sans histoire. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais que dans notre pensée, que tu considères les problèmes comme les débuts de l'histoire avec Dieu. La présence de Madian. La présence des problèmes. C'était le début d'une nouvelle histoire pour Gédéon. Aujourd'hui, on ne parlerait pas de Gédéon. Si Madian n'était pas là en ce temps-là. Oh, peut-être que toi, ce n'est pas Madian. Peut-être que toi, ce n'est pas la main de Madian. Peut-être que toi, c'est la main de la maladie. La main de la pauvreté. La main des problèmes au travail. Des problèmes dans ta vie. Frères et sœurs, il n'y a pas d'histoire dans la vie où il n'y a pas de problème. Une vie sans problème est une vie sans histoire. L'histoire s'écrira seulement dans la vie des gens qui ont des problèmes. Dieu n'écrit pas en l'air. La Bible dit, quand Dieu a écrit les 10 commandements, les a écrits sur les tables, sur la pierre, sur la pierre qu'il a donnée à Moïse. La pierre est fabriquée de la terre. Or, l'homme est fabriqué de la terre. Donc, l'écriture de Dieu, la vraie, on la lira sur la vie des hommes. On la lira sur la vie de plusieurs. Oh bien-aimé, autant d'hommes sur la terre, autant d'histoires que Dieu peut écrire. Acclame d'abord pour le Seigneur. Amen. Ces derniers temps, je passe beaucoup de temps à réfléchir et à prier. Je disais à Dieu, je prie comme ça jusqu'à la Pâque. Je ne sais pas si ça s'appelle carême, retraite ou quoi, ou prière, je ne sais pas, mais je prie. Et j'ai compris. Que l'histoire commence quand dans la vie il y a des problèmes. Pourquoi Dieu fait ça? Quand les gens disent le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ils n'ont pas dit ça en l'air. Abraham a vécu des choses. Abraham n'avait pas de Bible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir la Bible, c'est bien. Mais ton histoire avec Dieu commencera d'une façon particulière. Les gens qui ont connu des problèmes. Mettez-moi d'abord Genèse chapitre 18, verset 9 à 19. Genèse chapitre 18. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux. Waouh! Deux vieux. Et la Bible ajoute, virgule, avancé en âge. Quand quelqu'un est avancé en âge, c'est comme s'il était à la fin de son histoire. Je dis à quelqu'un ce soir, tu n'es pas encore à la fin de ton histoire. C'est le temps d'écrire une histoire avec le Seigneur. Avancer en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Donc, dans Sarah, il n'y avait plus d'espérance. Il n'y en avait plus. Je disais que l'histoire commence quand nous avons des problèmes. Le verset suivant. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. Si vous lisez bien la phrase ou le verset ici en français, écoutez ce que Sarah dit. Elle commence par « Maintenant que je suis vieille ». Ça signifie ceci. Tout ce que Dieu me dit en ce jour, il fallait nyambier avant. Il fallait me le dire de bien avant. Pour que je puisse encore croire en lui. Mais en ce jour, non, c'est pas vrai. Le temps est déjà passé. Nami. Et moi, même Abraham peut me donner l'enfant. Tu vas arriver à un moment donné dans ta vie. Tu as l'impression que ce que Dieu est en train de te dire, ça n'a même pas un début et une fin. À un moment donné, tu te demandes, Mungu tanzia wapi? À un moment, tu vas te demander, Dieu, par où vais-je encore commencer? Kwa muyomba? Chez mon oncle? Kwa sangaji. Ou soit chez ma tante. Kwa mutoto. Ou chez l'enfant. Kwa bwana. Soit chez mon mari. Kwa bibi. Soit chez ma femme. Bien aimé, ça arrive. Wapendwa, inafikiaka hivi. Et Dieu ne te condamne pas. Na Mungu pale pana kukuhukumu. C'était le cas d'Abraham et de Sarah. Hiyo ilikuwa hali ya Ibrahimu na Sarai. Deux vieux. Watu kubwa wawili wenye kuzeuka. Avancé en âge. Miaka itakwenda kabisa. Et l'Éternel dit. Na wa milele anasema. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Kwa nini Sarai alicheka? Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi? Hakika, mimi nitapata mtoto. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Kuna kwa kitu kutoka ngambo ya Bwana. Au temps fixé, je reviendrai. Kwa wakati yenye kuenea tena, tarudia. Pourquoi Dieu fait ça? Kwa nini Mungu anatenda hivyo? Parce que après, sababu kisha yake. Saino utakuwa na Bible banduku. Saino utakuwa mukanisa. Wafati ora ta Bible soit serait dans l'église. Maintenant imaginez-vous. Sasa uone kwanza. Bale batamu rencontrer Abraham. C'est là qu'il va rencontrer Abraham. Banamuuliza Abraham. Ils vont lui poser une question. Mungu huyu kunaomba. Te Dieu pour qui tu es serviteur? Ni nani? Il est qui? Abraham ne va pas lire. Abraham atasoma pana. Atakwambia. Il te dira. Mungu ni kunaomba. Ndio pour qui je suis serviteur. Alinipatia mtoto. Il m'a donné un enfant. Mungu ni kunaomba. Alisauve Lot. Il a sauvé Lot. Mungu ni kunaomba. Alinitosha mukalde. Mungu ni kunaomba. Frères et sœurs. Quand tu n'as pas de problème, tu n'auras pas d'histoire à raconter pour le Seigneur. Bien aimé, ça fait que tu as des problèmes. Oh, j'aimerais ce soir que tu considères que tes problèmes, c'est une opportunité que Dieu te donne de commencer à raconter une histoire. Alléluia. Amen. Mais si tu faiblis au jour de la détresse, la Bible dit que ta force n'est que détresse. Ça nous arrive, nous tous. Il est fait à quelle mara. Même Abraham a riri à Sarah. Abraham a tellement pleuré. Mais après, Sarah a commencé à raconter. Tu sais que Sarah est dans le sema. Ça peut t'arriver. Tu es abattu. On a son goût cabissa. Auna malaika. Toi, tu n'es pas un ange. Parfois, il faut parler comme ça. Maringi n'est pas ce que son goût a ici. Auna malaika. Tu n'es pas l'ange. Comme on dit en ce lieu, Adam ou Namai, ou Amai Adam. De l'eau et tu as du sang aussi. Comme on dit, Binadam. Oh, comme on dit qu'un être humain. Tu vas subir dans le corps. Et t'as confié à Mai au Muliako. Mais dans ta tête. À laquelle mon kitwa yako. Dis-toi que l'histoire. C'est ma kama adisi. Avec Dieu. Pamoja na Mungu. Commence avec le problème. Inanza sasa na imambo. S'il n'y avait pas Madian. Kama Madian yoku wako. Bien aimé, on ne parlerait pas de Gédéon. Gwezo kusema kuhusu Gideoni. Non, on n'allait pas parler de Gédéon. Gwezo kusema kuhusu ya Gideoni. S'il n'y avait pas Madian. Kama Madian yoku wako. Non, on n'allait pas parler de Gédéon. Gwezo kusema kuhusu ya Gideoni. J'ai dit la première chose à souligner. Na sema kitu ya kwanza tia kisiari. Toutes ces choses nous sont arrivées. Maneno yote haya yanatufikia. Il y a des choses qui t'arrivent. Na kuko vitu yanakufikia. Ces choses-là. Maneno yale. Vont déclencher. Itatokoza une nouvelle écriture. Itatokoza andiko. Une nouvelle histoire. Itatokoza andiko. Dans ta vie. Maisha yako. L'histoire avec Dieu. Andiko pamoja na Mungu. Ne s'écrit pas avec le bic. Andiko yake na ukarabu. L'histoire avec Dieu. Andiko na Mungu. Ne s'écrit pas avec l'argent. Andiko yake na fedha. Mais l'histoire avec Dieu. Andiko pamoja na Mungu. S'écrit avec des problèmes. Andiko yake na mambo. Quand tu vas résoudre les problèmes, tu écris une histoire. Parce qu'à la fin, si on te demande, quel est le Dieu que tu pries? Mais si on te demande aujourd'hui, quel est le Dieu que tu pries? Tu ne vas pas ouvrir la Bible. Le Dieu que je prie, il m'a sauvé de l'accident. Le Dieu que je prie, ce jour-là, les bandits sont entrés. Dieu m'a protégé. Ça, c'est l'histoire que Dieu va écrire avec toi. Alléluia. Amen. Ces choses t'arrivent. pour une nouvelle histoire avec le Seigneur. Pour une nouvelle histoire avec le Seigneur. C'est pourquoi ces choses t'arrivent. Pour une nouvelle histoire avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et puis je m'en ai décrit la main de Madian. Mais vous savez, tu peux avoir l'impression que dans ta vie il y a une main. Chaque fois que tu essayes, cette main vient et n'a pas mon âme. Non, ce n'est pas grave. La présence des problèmes, les difficultés dans nos vies. Mais c'est vrai, il faut faire attention. Quelqu'un qui a beaucoup de problèmes, s'il s'accroche à Dieu, il va écrire une histoire que toi tu n'as jamais écrite. Alors, plus vous créez des problèmes à quelqu'un, s'il est intelligent, vous lui donnez l'occasion d'écrire des histoires avec lui. Alléluia. Amen. Ne créez pas de problèmes. Sinon, vous donnez l'occasion aux gens d'écrire des grandes histoires avec lui. Alléluia. Amen. Plus monde qu'on a mambo, plus l'homme a des problèmes. Plus mungu ko tayari afanye naye bintu bikubwa. Et plus aussi Dieu est prêt pour faire de grandes choses avec lui. Plus mungu ko tayari ba mutaye ole muntu mu histoire. Plus Dieu est là prêt pour qu'on puisse citer cet homme là dans les histoires. Tu as bien bintu mungu atamufanishi. À cause des choses que Dieu fera avec lui. Si ce n'était pas le cas. Kama ikuya ile. Pourquoi mungu atenda kusauver Rahab? Pourquoi Dieu a sauvé Rahab? Quel était l'intérêt de Dieu de sauver Rahab? Il connaît. Si quelqu'un ne peut pas mourir dans le Rahab. Et cette Rahab là. Naouyu manamuke Rahab. Quand vous disiez, vous allez, on parle d'elle et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Nous sommes musiés, mwanga na yote mbiri ya kale na yajipia. Kuku bantu. Il y a certaines personnes qui vont causer aujourd'hui et demain dans cette ville délicate. On parlera de toi-même en RDC. Parce que Mungu, parce que Dieu, au travers de tes souffrances, il va écrire de grandes choses sur toi. Rahab, Rahab. On ne pouvait plus parler de Jésus-Christ sans Rahab. Avant que vous soyez Yesu bila yaye Rahab. C'est quoi ça cette histoire? Cette femme, quelle était? Oh, Dieu est terrible. Bien-aimé, Bandoku, chrétien, changeons. Wa Christo, tu badirike. Nous sommes restés dans trop de choses qui bloquent nos vies. Ça nous empêche d'avancer. Léon, vendredi. Aujourd'hui, c'est un vendredi. Tu dois prier pour vaincre les problèmes. C'est là que tu vas écrire une nouvelle histoire. Ne te plains pas de tes problèmes. Ne te plains pas pour tes problèmes. Ne te lamente pas pour tes problèmes. Considère que tes problèmes là, l'occasion c'est une bonne occasion que Dieu nous donne pour résoudre des choses et entrer dans l'histoire. Je prends un deuxième exemple. Deux veuves. Mettez-moi Ruth chapitre 1 verset 20. À partir du verset 20, Ruth chapitre 1. Ruth sura ya kwanza. Elle leur dit, akawambia, ne m'appelez pas Naomi. Ushintene Naomi. Appelez-moi Mara. Unite Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Je vais revenir sur ce point le dimanche. Par rapport au problème, elle s'est donné un nom de problème. Quand les gens l'appellent, il dit non, j'ai changé de nom. Non, ce n'est pas ça qui résout le problème. Il dit appelez-moi Mara. Le verset 21. Écoutez. Elle donne même l'explication. J'étais dans l'abondance. J'étais, c'est l'imparfait, c'est un temps passé. Elle dit ceci. Zaman. Jadis. J'étais dans l'abondance. Quand j'avais dû quitter. Maintenant, je suis revenu. Tout ce que j'avais dans mes mains, ça a disparu. Je suis rentré les mains vides. Je suis rentré les mains vides. Parce que le Tout-Puissant s'est affligé contre moi. Deux veuves. L'une pauvre. Umoja ni maskini. Naomi. Jina yake Naomiya. L'autre. Mwingine naye. Pauvre et maudite. Maskini na mwenye kulahaniwa. Ruth. Jina yake Ruta. Elle est pauvre. Kwanja maskini. Elle est maudite. Kisha alisha lahaniwa. Sa malédiction ne commence pas d'aujourd'hui. Ikosi yake ayanjiswe sasa. Sa malédiction commence de ses arrière-grands-parents. Oh, bien-aimé, peut-être votre génération, votre famille, a tous ces problèmes pour que toi, aujourd'hui, tu commences une nouvelle histoire avec Dieu. On ne parlerait pas de Ruth si elle n'était pas Moabite. Donc, si elle n'était pas maudite, on ne parlerait pas de Ruth si elle n'était pas rentrée avec Naomi, si elle n'était pas veuve. Donc finalement, les problèmes qui leur sont arrivés ont servi de tablettes pour que Dieu écrive une nouvelle histoire. Des problèmes, ce sont des tablettes sur lesquelles Dieu va écrire une nouvelle histoire. Ta vie sera une tablette d'une nouvelle histoire avec le Seigneur. Oh bien-aimé, le temps est arrivé de changer la façon de prier. Comment tu pries? Comment tu t'approches dans la présence de Dieu? Tu passes tout le temps à pleurer. Tu passes le temps à accuser les autres. Il y a parfois quelqu'un est dans la prière et va parler à Chonga Bantu Kwamungu. Mungu c'est quelqu'un qui est. Parfois quelqu'un est dans la prière tenté d'accuser les autres chez Dieu. Dieu n'entend pas cette sorte de prière. Non. Apa. Mungu. C'est la main toujours, il donne la faute aux autres. Dieu n'écoute pas ça. Mungu ashikia kibiavile. Voulez que Dieu fasse quoi? Mataka Mungu afante na nini? Prends tes problèmes. Kamata mambo yako. Écris une histoire avec lui. Andika disi pamoja na Bwana. Écris une nouvelle histoire avec lui. Andika disi mupia pamoja na Bwana. Écris. Andika tu. Rahabu n'a accusé personne. Rahabu akuchongia mutu. Cette femme samaritaine n'a accusé personne. Samaria akuchongia na kutaya mutu. Quand le boiteux à la piscine voulait dire « Seigneur, je n'ai personne », Jésus lui a dit « Non, ce n'est pas ça le problème. » Oh, bien-aimé, le temps est arrivé. Sous féconde, j'ai compris. Autant de problèmes que l'Église aura, c'est qu'il y a une grande histoire qui va se déverser dans cette église. Autant de problèmes qu'une famille aura. Oh, dans notre famille, Muyomba, Sangaji, Ruth, la Moabite. On a maudit Moab. Ruth n'était même pas là. Ruth le wakati haukuwako. Anazali comme une malédiction. Il était né dans une malédiction. Vilo nazali quoi, ce n'est pas ça le problème. Comme tu es né là-bas, là c'est pas un problème. Problème. Le problème. Ni vilo taisha maisha. Mais comment est-ce que tu vas terminer ta vie? Ici, il n'y avait pas, vous savez, à un moment donné, les chrétiens, tu veux que les gens aient pitié de toi. Pourquoi l'homme aura pitié de toi? Quand bien même, il aurait pitié de toi, parce que là, il faut maintenant que je parle bien. Quand bien même cet homme aurait pitié de toi, il ne ferait rien. Et les paroles que cet homme te donnerait, c'est juste pour te faire plaisir. Et quand il t'a fait plaisir pendant 5 minutes, ta situation va durer 24 heures. Quand il t'aura fait plaisir pendant 4 heures de la journée, tu seras malheureux pendant 20 heures. Alors que faire? C'est de prendre ces problèmes, aller avec devant Dieu. Bien-aimé, mes problèmes, la main de Madian, c'est l'occasion aujourd'hui. On parle de Gédéon parce que Madian était là. On parlera de toi parce que tu es stérile aujourd'hui. On parlera de toi parce que tu n'as pas de travail aujourd'hui. On parlera de toi parce que tu es pauvre aujourd'hui. Bien-aimé, si tu parles devant le Seigneur, vous me réattirez à quoi Mungu. Tu t'abandonnes devant lui. C'est là que Dieu commence à faire des choses. Et si on demande à Abraham, mais si on te demande, Dieu, pour que tu pries, il est qui devant toi? El Shaddai, Adonai. C'est Abraham qui a dit ça. Ibrahim a dit ça. Abraham a dit Jéhovah j'irai. Ibrahim a dit Jéhovah j'irai. Parce qu'il manquait. Dieu a pourvu. Mungu alileta mwenyewe. Gédéon bâtit un hôtel. Gédéon a élevé comme sabao. Il a dit cet hôtel ça s'appellera Shalom. Yahweh Shalom. L'Éternel paix. Mungu il a expérimenté ça. Ici, les manières noïfi. Ni tina kani wote mupanga. C'est là que tu mettras, tu donneras ton Dieu. Mungu mupanga que tina wakata opite mumambo. On donne jamais un nom à Dieu quand tu n'as pas de problème. Ah, j'ai dit des choses. C'est malé au vitu. Mungu mupanga que tina. On donne jamais un nom à Dieu. Wakata opite mumambo. Si tu n'as pas un problème. Même si nous levons nos verres. Ce n'est pas, pas ce qui va changer les problèmes. Ce n'est pas ça qui va changer. Aïna, il est abattu sa vie. Bien aimé. Appendois. Aujourd'hui, on aura 30 minutes de prière. J'aimerais comprendre qui l'a monté à ta homme. Je souhaite que chacun de nous va prier. Parce que mambo. Parce que les problèmes. Dieu n'en dit chaque histoire. Ce qui déclenche l'histoire de quelqu'un. Dieu n'aime pas que tu racontes ce que lui il a fait avec quelqu'un d'autre. Je vais aller même plus loin. Il arrivera même de deux personnes qui seront dans le même lit. Auront des histoires différentes. Si vous rentrez dans Matthieu chapitre 24, même l'une sera prise, l'autre peut rester. C'est-à-dire que deux histoires différentes. Dans la même maison. Bandugu, aina se jumba na mizala nyumba mwa mwa pakitanda kimoto kwa na histoire moya. Bien aimé, c'est pas parce que vous êtes ensemble et vous passez lui dans un même lit, vous n'aurez pas les mêmes histoires. Il y a certains jeunes. Nous mangeons tous le foufou ensemble. Pendant le congé, nous tournons chez la dame. Pendant le congé, là, on joue aux dames. Mais aujourd'hui, l'un au nord, au sud, à Kisangani, à Ituri, à Kolwezi, à Kolwezi, Kamina, Kamina, Likasi, Likasi, Kishasa, Kishasa, Bulaya, Bulaya. Où est-ce qu'il y a des cédés? Où est-ce qu'il y a des cédés? Et puis vous rappelez, Vous allez vous rappeler dans le vieux temps là-bas quand vous dormiez ensemble. Ce n'est pas ça le problème. Il est haïtos et tout. Ce n'est pas ça. Il a une amam. Abraham et Sarah. Ibrahim et Sarah. Deux vieux. Oui, mais avancé en âge. Donc, histoire na mungu. Histoire avec Dieu ne dépend pas de l'âge. Ailinganishwe na umri ya miaka. On dit que aux âmes bien nés. Basemo vizuri. La valeur. Na bei tena. La valeur n'a fait pas quoi. Aux âmes bien nés, la valeur n'atteint pas le nombre d'années. Le monte bazalika vizuri, basi miaka ifatana kufatana na aux gens qui ont la foi, l'histoire Adicia ne dépend pas du nombre d'années. Alléluia. Amen. Il y a des bien-nés et puis il y a la foi. Oh frères et sœurs, j'ai dit l'autre fois, la foi c'est aujourd'hui. Imani, mambo ya leo. Aujourd'hui, mambo ya leo, Dieu leo va me donner. Mungu, sherti anipatie. Aujourd'hui, mambo ya leo, leo. C'est ça la foi. Ijo mambo la foi, ce n'est pas demain. Mambo imani non, non. Si tu crois, non, mon fils, si tu crois, tu. Seigneur, je crois. Wana aujourd'hui, leo, leo. Il a reçu. Anapata. Seigneur, je vais marcher sur l'eau. Jésus lui dit, marche. Dans Matthieu 14, Matayo, il met son pied. Il marche sur l'eau. La foi, c'est aujourd'hui. On voit le boiteux. On dit, regarde-nous. Lève-toi et marche. Bartimée, lève-toi. Regarde. Mais la foi c'est aujourd'hui. La foi c'est aujourd'hui. L'espérance c'est demain. C'est comme ça qu'on a dit que Sarah a perdu l'espérance. Et c'est dit que non. Attends, je crois que je suis. Même dans les jours à venir, là, je n'aurai pas un enfant. Mais quand elle a rencontré ces trois hommes, quand elle a rencontré l'ange de l'éternel, même si elle a ri, elle a dit, mon Seigneur me dit ça maintenant. Ça, ça y vient. Il devait me dire hier. Non, non, Dieu ne devait pas te dire hier. Les paroles que je t'ai dit maintenant. Dieu devait seulement te les dire maintenant. Seulement aujourd'hui. Pour que Léo. Léo aujourd'hui. Maïsa Yaku. Que ta vie. Que tu puisses ériger une autre histoire. Histoire à Muntu. L'histoire de quelqu'un. Mon Maïsa. Dans la vie. Ah ben, indique que non pic. Ne s'écrit pas avec le pic. On ne lit pas dans une Bible. Dans la Bible, on donne seulement rien que la foi. La Bible nous dit dans Jean chapitre 20, prologue, dit, ces choses ont été écrites pour que vous ayez la foi. Que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, en croyant que vous soyez sauvés. Mais l'histoire, ton histoire à toi, il t'indique ça sera écrit avec les divers problèmes que tu auras dans ta vie. Alléluia. Amen. Étudiez la Bible. Nous sommes de l'Ancien Testament Tanguia, jusqu'au Nouveau Testament. Vous verrez que tous les gens qui ont impacté l'histoire, ce sont les gens qui ont eu des problèmes. Si on dit qu'Abraham c'est le père de la foi, c'est-à-dire qu'il a atteint le top des problèmes. Le top des problèmes amène le top de la foi. 100 ans sans enfant. La femme est vieille. Son corps est vieux. Et puis ils ont un enfant. Et puis il voit l'enfant se marier. Non, non. Pan. On l'appelle père de la foi. Alléluia. Amen. Élisée. Elisha. C'est quand il a vu Élie partir. C'est alors qu'il a parlé du Dieu d'Élie. On ne peut pas parler de ton Dieu. Si les gens n'ont pas vu ton Dieu à toi résoudre les problèmes dans ta propre vie. Kama, si tu n'as pas C'est nous qui prions. Non, non, non. Il y a la foi. Non. Non, non, non, non. Pana. Non. Pana. La Bible dit dans Timothée. Il y a un kitabu et Timothée. Regardez la fin de leur vie. Wangadie ni muisho ya maisha yao. Et imitez leur foi. Na mufatirishe imani yao. Regardez le résultat dans leur vie. Mone matokeo mu maisha yao. Et imiter leur foi. Na mufatirishe imani yao. Na penda tuombe. Nzemero mena prier. Aujourd'hui, Léo, on n'a pas de choix. Atuna kya kufanya kingine tena. Oh, j'aime ça. Napenda maneno haya. J'aime ça. Napenda maneno haya. Je suis en train de faire l'exercice, hein. Tukufanya kala sisi hiyo. J'aime ça. Napenda hivi. Où le Seigneur te fait arriver à un mur. Ku pande wa Bwana anaenda kuwekea fasi moyo kule usindo kutokea. Unashinda kutambua kile kibumbashi. Tu es bloqué, tu sais pas aller de l'autre côté du mur. Mambo. Il y a tant de problèmes. Et là tu réalises. Yakama, je n'ai pas d'autre choix que de résoudre ce problème avec Dieu. Kusui, mambo. Léo Mangaribi. En ce soir. Ne parlez pas de l'Afrique comme Kibumbashi. Les gens qui sont au bout du mur. Et Dieu dit. Na Mungu anasema, une nouvelle histoire va commencer. Adisi mupia inanzi soa. Non, non, ule arisotaka Kibumbashi. C'est lui qui avait escaladé le mur. Il avait sauté. Arilukaka. Arisotaka Kibumbashi. Il avait sauté le mur. Il était passé sur l'eau. Il était guéri de sa lèpre. Arituziwaka na magonjwa ya ukoma. Il était guéri, il était boiteux. Yalikuwa ni kiwete. Oh bien aimé, s'il est resté en pleurant. Kama ilibakia tu pale kwa analia lia. Du temps de Jésus, il avait plusieurs boiteux. Wakati ya Yesu, viwete ilikuwa vingi kabisa. Jésus n'a pas guéri tous les boiteux. Yesu akutunza wote. Même autour de la piscine, il y en avait trop. Ataka ndokando ya mbilika, balikuwa kwa mingi. Jésus a guéri un. Yesu alitunza ako moya tu. Un. Moya bule. On n'a pas le nombre. Atuyo wingi wa. Parce qu'à l'habitude, on déposait à la porte tout ce qui était malade. Balikuwa natia, bale botu, pamela. Ce jour-là, Jésus a guéri un. Il suku Yesu alitunza moya bule. Au cimetière, plusieurs étaient morts. Makaburi, kulikuwa wafu wengi. Jésus a ressuscité un. Yesu alifufula ako tu. Pour qu'il ne s'embrouille pas, il a cité. Non, non, je suis venu ici pour Lazare. Lazare vient. Peut-être qu'il y avait Matthieu, il y avait Barthélemy, il y avait Mamie, il y avait Mireille. Non, non, mais ce jour-là, Jésus, son nom c'était Lazare. Que le nombre ne nous trompe pas. Quand on a des problèmes, kama mna pata mambo. No si potato kuna mambo. Aila si potato kuna mambo. Tu problema. No. Ni mimi kuna mambo. C'est moi seul qui ai des problèmes. Ni mimi natafuta Mungu nitende. Moi j'aimerais que Dieu puisse agir à ma faveur. Non, tu kuna mambo. Non, tous ensemble nous avons des problèmes. Ki masiku njale netupika sibo. Natafuta nous avons tous famine. Ina nipika mimi. Non, ça me frappe à moi seul seulement. Tu mimi natafuta Mungu. Pour que je puisse chercher Dieu. Frère, si tu comprends ces choses, okay, hivi, tu viendras à l'église seul. Même si il y a personne qui est déjà dans l'église, on est tout pas. Tu viens là-bas, tu t'étends là-bas devant. On tu commences à appeler et invoquer Dieu. Tu ne vas pas attendre que les autres personnes viennent encore. Non, non. Apana. Tu ne vas pas attendre que nous disions que c'est le temps d'adorer. C'est le temps maintenant de louer l'Éternel. Donc, on a changé, maman, tu vas changer toi-même le sujet de prière. On a changé. D'abord, élevez Dieu par rapport à ton chant. Tu dis que en tout cas, ce n'est pas possible. Tu vas faire des grandes choses avec Dieu. Non, bien-aimé. Pas non plus toi. Parce qu'aujourd'hui, là, non, je me l'ai compris. Cette église est appelée à changer. Toi aussi, ta vie est appelée à changer. Ça ne doit pas rester comme ça. Non. Ces choses nous arrivent. Pour que nous écrivions une nouvelle histoire. La main de Matthias est sur nous pour écrire une nouvelle histoire. L'histoire commence là où il y a des problèmes. Une vie sans problème est une vie sans histoire. Un homme, une femme sans problème, c'est une femme dont on ne parlera jamais. Jamais. Même dans le quartier. Pour qu'on parle de toi, il faut que tu aies résolu un problème. Les gens qui sont riches sont les gens qui ont fait le business, qui ont résolu les problèmes. Dans un quartier, il n'y a pas de pain. Mais il y en a qui ont toujours mikate. Il a commencé à vendre du pain. Il a même donné un nom. retiré Mikate. Oh, Norbert Mikate. Bana mongeza jina. Uliwa mama ujute. Parce qu'on allait ta solution. Parce qu'il a donné une solution. Bana kupanga jina. Il a donné non. Mama fulani. Oh, telle maman. Mama biloko. Mama biloko. Moi je connais une nièce à Kinshasa, on l'appelle Mama biloko. Oh, ça maman, mama biloko. Parce que mon quartier. Parce que dans leur quartier. Il n'y avait aucun restaurant. Il n'y avait pas de restaurant. Anaweka restaurant. Il a instauré son restaurant. Tu pika bukari bwa moko na sombe. Le fufu et le sombe. Basoda pote bwa kwa kula bukari na moko. Tous les soldats venaient manger chez lui. Mais on a mangé chez maman biloko. L'appelait maman biloko. Elle a apporté une solution. Elle est à côté. Frères et sœurs. Donc on a dit. Si tu n'apportes pas de solution. Maman ouvre tes tibou. À un problème. Mambo moyo frère. Tu n'écriras jamais l'histoire. Authentique kaka adisi yako. Oui, mais bien. Que tu chantes bien. Nous chantons et nous avons la plénitude. Ok, ça c'est. Voilà, on est dans l'église. Pendant 5 minutes. Pendant une heure. Attends, et après. Et après. Non, bien aimé. Dorcas. Dorcas. Elle a résolu un problème. Dorica, elle est à côté de vous. Quand elle est morte. On a dit non, non. C'est ma panne. Mwangari. Regardez. Et aujourd'hui. Il y a des femmes qui veulent qu'on les appelle Dorcas. Il y a des femmes qui aiment qu'on les appelle Esther. Il y a même des gens qui chantent non, non, moi, je ça Esther. Je vous Abigail. Je Dorcas. Pas de Dorcas. Mais Dorcas a fait ses choses. Dorica, il fait un mambo. Mais toi, tu fais quoi? Oui, on a fait un conini. Je m'en ai compris. Nous nous inclinons en prière. Aujourd'hui, ni vendredi, tchine. Aujourd'hui, c'est un vendredi. C'est ce qui est bien avec vendredi, tu. Il a peiné que je suis content de me signer. Pourquoi mon veste s'est mis à tout cas moukage caché? Je suis dans ma veste comme ça, t'as mieux? En principe, quand on a bilat, on est content de chanter bilat avec un pied nu. Tu peux même mettre des chaussettes là, il n'y a pas de quand problème. Quand on a couche, ton chabilat. Si ça te dérange, tu peux mettre des chaussettes. 30 minutes. D'accord, nous voulons prier. Bien aimé. Pendoa. Mambo. Le problème. Il t'a dit c'est histoire mou. Nouvelle histoire avec le Seigneur. Et ça peut se déclencher une nouvelle histoire avec le Seigneur. Si toi tu n'as pas de problème, moi j'ai des problèmes. L'église a des problèmes. Le pays a des problèmes. La ville a des problèmes. Nous voulons prier le Seigneur. Nous entrons en prière. Nous entrons en prière. Prends la position qui convient. Seulement les instruments qui nous accompagnent. Maintenant. Pendant que vous jouez aux instruments, vous priez aussi. Vous priez aussi. Parce que vous aussi, vous devez écrire l'histoire. Chacun doit écrire l'histoire. L'histoire commence avec des problèmes. Oh, Rababous. Oh, bien, mais commence à prier. Thank you. Mungu wanamuitaka Mungu wa bingelengeli. je ne comprends pas ce que ça signifie, mais wakati je prie ce don, je ne comprends pas ce que ça signifie. Plus mambo yako inaleta makelele, plus baraka ya Mungu inaleta makelele. Plus tes problèmes font du bruit, quand Dieu va te rencontrer, la grâce fera aussi beaucoup de bruit. Oh, j'aime le Seigneur. Seigneur, merci. Des moments comme ça, même les malades sont guéris. Tout celui qui est malade dans la salle, je prie pour sa guérison. Des moments comme ça, même les puissants des ténèbres fuient. Tout celui sur qui il y a la main des sorciers, la main de Madian, la main du diable, la main de la pauvreté, la main de la misère. Ce soir, je proclame la délivrance au nom de Jésus. Oh, alléluia. Ces choses qui arrivent dans la vie de plusieurs. Ce soir, je proclame la fin. Même s'il y en a qui rient, même s'il y en a qui disent que non, non, maintenant que Dieu parle, Dieu devait venir avant. La maladie est déjà devenue un cancer. C'est déjà gangréné. Ce n'est pas grave. Mais ce soir, moi, je proclame la guérison et la délivrance au nom de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est jamais trop tard avec toi, Dieu. Oh, tu as visité Abraham à 100 ans. Seigneur, j'ai confiance en toi. Si Abraham peut expliquer Mungwa qui a de quoi dire, ou tu partiens à chier qu'il a une occasion de expliquer Mungwa qui a de quoi dire. Mina kubariki Mungu. Mina bariki tina lako. Ou si fuyo mangaribi aleo. Mou tina la yesu tona omba. Amen.